Le porte-parole du Comité national coréen pour la paix a publié le 6 juillet une déclaration qui note, entre autres, la brillante réussite au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14, dernière étape pour le perfectionnement des armements nucléaires nationaux, est la manifestation de la force nationale invincible et de la puissance de l'industrie de guerre indépendante inépuisable de la Corée du Sud. C'est aussi un grand événement remarquable dans l'histoire de notre République qui a tant aspiré à la puissante capacité de défense nationale à travers des siècles. La nouvelle de la grande victoire de la Corée du Sud, remportée dans la confrontation anti-américaine, bouleverse le monde entier. Pourtant, la Corée du Sud devient le théâtre de la confrontation fratricide qui refroidit l'événement heureux des compatriotes sans égard à la réalité et à la portée historique de notre réussite au lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale qui suscite un grand bouleversement dans la structure politique du monde, ce qui indigne toute la nation coréenne. À la nouvelle du tir d'essai, le numéro 1 sud-coréen a convoqué à la hâte une session plénière de la Réunion pour la sécurité d'État et parlé qu'il condamne de nouveau vertement la provocation irresponsable du Nord et que la situation ne demande pas d'y faire face seulement par une déclaration. Et il a déclaré organiser les exercices sud-coréen-américains de tir de missiles balistiques à l'approbation de Trump. Les officiels de la diplomatie et de la sécurité sud-coréenne, comme les ministères des Affaires étrangères et de l'unification, et ceux du parti au pouvoir et de l'opposition, se sont présentés à Kim Jong-un pour faire bruit, tout comme les grenouilles au bord du marais pourri, autour d'une violation intégrale de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et d'une consultation de mesures avec la communauté internationale. Surtout, les autorités militaires sud-coréennes ont publié une déclaration pour lancer les pires propos de confrontation autour de provocations et de ruines, tout en accusant insolemment notre dignité suprême. Cette frénésie de confrontation sans précédent n'est qu'une démarche désespérée de ceux stupéfaits de notre grande réussite au lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale et qu'une bêtise absurde de ceux qui se débattent désespérément. Nous avons réussi cette fois-ci d'un seul coup au lancement d'essai de la fusée Phason 14 capable de frapper le cœur des États-Unis et jeter ainsi le gage solide pour mettre fondamentalement un terme à la menace et au chantage de guerre nucléaire des États-Unis, sauvegarder la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région et ouvrir un avenir radieux de la prospérité nationale. C'est le grand événement pan-national à célébrer non seulement par notre République, mais aussi par tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora. Tant que la politique hostile et la menace nucléaire des États-Unis contre la Corée ne soient pas éliminées fondamentalement, nous ne mettrons en aucun cas sur la table de négociation le nucléaire et la fusée balistique et nous ne reculerons point dans le renforcement des forces nucléaires. C'est notre volonté immuable. Les autorités sud-coréennes doivent connaître correctement qu'elles feront l'objet du châtiment sévère irrévocable si elles se démènent dans le viseur de l'arme Paektusan sans savoir le changement de la situation. Et si les actuelles autorités sud-coréennes négligent nos avertissements et se démènent frénétiquement en manœuvre de confrontation fratricide, en cherchant chicane à notre mesure autodéfensive pour le renforcement de la capacité de défense nationale, elles n'éviteront pas le sort lamentable de la bande traîtresse de Bakune, abandonnée au nom de l'histoire, au bout de la confrontation fratricide sous la coupe des États-Unis.